بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 92, si je ne me trompe pas. Je suis désolé pour le cours de... c'est parce que c'est le livre de Qurrat Uyun al-Muwahidin. Et pour ce cours-là, il y a eu beaucoup de problèmes dans les numérotations. Je me suis trompé à plusieurs reprises dans les numéros de cours. Et à un moment donné, c'était complètement mélangé. Donc là, dernièrement même, j'ai passé des heures à essayer de remettre les cours, les numéros en ordre. Et j'ai découvert des erreurs dans la numérotation de plusieurs des cours. Des fois, j'ai sauté des numéros, ce qui fait qu'il y a toujours un décalage. Donc là, en principe, dans les audios, les audios comme par exemple le dernier audio 91, je dis 80, le cours 90 au lieu de dire le cours 91. Tandis que le cours 92, donc aujourd'hui c'est le cours 92. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui dans les numérotations des cours, il y a un décalage, comme par exemple ça saute de 91 à 92, c'est à cause du problème de numérotation. Donc, si le numéro du cours, c'est pas le même que ce qui est mentionné dans l'audio, c'est pas grave, parce que comme je vous dis, il y a eu des erreurs. Ceci dit, on est rendu dans le chapitre. Hein, aujourd'hui, c'est le chapitre 9 dans le livre de Kitab al-Tawhid. Le chapitre Babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. C'est-à-dire celui qui recherche la bénédiction des arbres, des pierres ou des choses semblables. Donc il a fait le shirk avec Allah en agissant ainsi, parce que on n'a pas le droit de chercher ou de rechercher la bénédiction d'autre chose que accepter ce que Allah Azza wa Jal a déclaré comme étant béni dans la révélation, soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et qu'il y a ni, donc c'est Allah Azza wa Jal qui est la source de toute bénédiction, et rien ni personne peut bénir excepté Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un point important. Et on a mentionné donc dans ce chapitre, hein, ça c'est bien entendu c'est le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, avec les commentaires de Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et dans ce chapitre, il y a les versets dans Surat Al-Najm, versets 19 à 23, tandis que ensuite il y a le hadith de Abu Waqid Al-Layfi. Donc, on est toujours dans l'explication du verset en question, dans Surat Al-Najm. Et la définition, l'explication de ce que représentaient les idoles de l'époque des mushrikin, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, et qu'est-ce que c'était ces idoles, qu'est-ce que ça représentait. Et on a commencé à donner des définitions à ce sujet au dernier cours, et on a parlé de ça. Donc on continue aujourd'hui à partir de l'endroit où on s'était arrêté. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, il dit: wa qawluhu an abi waqid al-layfi qal kharajna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila hunayn wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin wa lil mushrikin sidratun ya'kufuna 'indaha وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه وقوله عن أبي واقد الليثي وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى مكة يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك. Ok, on va traduire cette partie-là, puis ensuite on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Et sachez que l'explication du Cheikh Al-Fawzan de ce hadith, elle prend يعني, plus que peut-être 8 pages. Hein? Parce qu'il commence ici, ça fait déjà 2, 3, 4, 5, non c'est pas 8, c'est 6 pages, et يعني, environ 6 pages. Donc, c'est une explication qui est assez détaillée et assez, yani, assez bénéfique. Donc, vous allez en profiter beaucoup, Inch'Allah. Et c'est l'explication du hadith de Abu Waqid al-Layfi, radiyallahu anhu. Il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller à Hunayn. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, parce que de toute façon le cheikh il va l'expliquer dans le charh, mais c'était après la conquête de la Mecque. Et on sait que les habitants de la Mecque, lors de la conquête de la Mecque, ils ont tous accepté l'islam. Donc beaucoup d'entre eux c'était des nouveaux musulmans, ils venaient juste de se convertir, ils étaient frais, hein? Et donc ils sont sortis pour aller à Hunayn, parce que la tribu de Hunayn, qui était c'est Banu Thaqif, hein, qui était dans cette région de Hunayn, ils avaient menacé d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans lorsqu'ils ont appris de la conquête de Mecca. Alors yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça y est, on va aller régler ça tout de suite. Donc ils se sont tous dirigés vers Hunayn. Et Abu Waqid al-Layfi, il dit, nous étions récemment convertis, hein, ou nous étions récemment, c'est-à-dire on venait de quitter le kufr. On voulait dire, on venait juste de sortir de la mécréance parce qu'il venait juste de se convertir à l'islam. Et les mushrikoun, les kuffar et les mushrikoun dans la jahiliya, ils avaient l'habitude d'accrocher leurs épées sur un arbre. Ils croyaient que cet arbre était béni d'une certaine façon, et que cet arbre procurait à leurs épées une force particulière, hein, une force spéciale, comme si l'arbre en question avait un pouvoir, hein, magique ou une force mystique qu'elle pouvait transmettre aux épées qu'on accrochait sur elle, sur lui, hein, l'arbre en question. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les sahaba, ils sont passés près de cet arbre que les mushrikines utilisaient, et ils ont dit, en passant à côté d'un autre arbre, « Ô messager d'Allah, pourrais-tu nous désigner cet arbre, hein, pour que nous aussi on accroche nos épées dessus, qui sera un arbre pour nous, les musulmans, hein, qui sera différent de celui des mushrikines, mais qui sera utilisé de la même manière que ce qu'eux ils font dans le but de rendre nos épées plus puissantes. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette parole, il a dit « Allahu Akbar !» Il était choqué, il est surpris, étonné. Donc il dit « Allahu Akbar, hein? Allah est plus grand. » Et c'est en même temps aussi comme un genre de réprimande et de désapprobation. Quand il entend cette parole, il est choqué, donc il dit Allahu Akbar, et puis il dit innaha sunan, yani, en voulant dire c'est ça l'exemple des peuples précédents que vous allez suivre, c'est ça l'exemple des peuples précédents que vous allez suivre dans leurs égarements. Il a dit, vous avez dit une parole, et je jure par celui qui tient mon âme en sa main que c'est la même parole que ce que les fils d'Israël ont demandé à Moussa, alayhi salam, lorsqu'il mentionne dans le verset 138, dans Surat Al-A'raf, les fils d'Israël qui demandent à Moussa, désigne-nous une divinité de la même manière que les mouchriquins ont une divinité. C'est-à-dire, c'est comme s'ils demandaient à Moussa de leur désigner une idole parmi les idoles qui serait semblable à celle des mouchriquins. Hein? Allah al-Musta'an. Alors, Moussa alayhi salam, il leur a répondu en disant, et Allah azza wa jal, il le cite en disant, innakum qawmun tajhaloun. Il a dit, vous êtes un peuple dans yani, l'insouciance et dans l'ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les mauvais exemples des gens qui vous ont précédé. Hein? Allah musta'an, les juifs et les chrétiens, vous allez suivre les mêmes égarements qu'eux. Et ça, c'était un exemple de ça. Et ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, il est authentique. Le cheikh, il explique ensuite la définition de ce hadith-là, Cheikh Al-Fawzan. Donc, on va lire son explication. Il dit, « هذا حديث, ou هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وأبو واقد هذا ممن أسلم عام الفتح. ولذلك قال كنا حدثاء عهد بكفر لأن إسلامهم تأخر عن عام إلى عام الفتح خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني إلى غزوة حنين وحنين اسم واد اسم واد من أودية مكة دون الشرائع مما يلي مكة يعني خارج الحرم وقد جرت فيه الوقعة فسميت وقعة حنين يعني يوم ويوم حنين وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان وسقطت دولة المشركين في مكة خافت قبيلة هوازن j'ai dit بنو ثقيف tantôt c'est une erreur يعني c'est يعني هوازن Banu Thaqif, c'est les habitants de Ta'if, si je ne me trompe pas. Yani. Allahu a'lam. Donc il dit, yani, خافت قبيلة هوازن أن يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل مكة فتجمعوا لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا في الطائف وما حولها. Donc c'est ça, c'est, finalement c'est pas Banu Thaqif. Je me mélange à la kulli hal, yani c'est Hawazin ici. Et peut-être que je me mélange pas en réalité, mais c'est juste que peut-être qu'il y avait plusieurs tribus qui habitaient dans cette région. Donc ici le cheikh il explique que Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, fait partie des musulmans parmi les Sahaba, qui se sont convertis le jour de la conquête de la Mecque. C'est pour cette raison qu'il dit dans le hadith, nous étions nouveaux, hein, et dans l'islam, on venait de quitter le kufr. Donc, leur islam était, yani, à ce moment-là, c'est là qu'ils se sont convertis. Il dit, et nous sommes sortis en expédition militaire vers Hunayn, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille célèbre, qui est mentionnée dans le Coran, « وَيَوْمَ حُنَيْن » elle est mentionnée dans le Coran. Et il dit, yani, que on l'appelle cette bataille la bataille de Hunayn ou bien yani, le jour de Hunayn. Et Hunayn en soi, c'est qu'est-ce que ça désigne quoi? Ça désigne une vallée parmi les vallées de Mecca. Hein? Et yani, c'est en sortant du Haram hein, dans cette région-là. Et c'est là que la bataille a eu lieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la bataille de Hunayn. Ou bien on l'appelle le jour de Hunayn, en voulant dire le jour de cette bataille. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a conquis donc la Mecque pendant le mois de Ramadan. Et l'état des mouchriquins qui étaient à Mecca est tombé. Et les gens de la tribu de Hawazin, donc tantôt j'avais dit Banu Thaqif, hein, je me trompe. Ici c'est Hawazin. Hein, ils ont été effrayés de voir que la Mecque a tombé hein, de la main des mouchriquines. Et donc, ils se sont dit probablement que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va maintenant nous attaquer ensuite, puisqu'il a pris la Mecque. Alors, ils se sont réunis pour yani, attaquer les musulmans. Et ils étaient dans la région de Taif et les alentours. Et lorsque cela est parvenu aux oreilles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Hawazin voulait les attaquer, alors il est parti vers eux à leur rencontre dans le mois de Shawwal. Donc il dit فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج إليهم في شوال بجيش عظيم ممن جاءوا معه من المدينة وممن أسلم أو ممن أسلموا في مكة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وكانت هوازن قد تحصنت في الجبال وفي جنبات الوادي فدخل المسلمون في الوادي وانقض عليهم المشركون من الجبال فحصلت للمسلمين نكبة وفر من فر منهم ثم ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجمعوا عليه وشدوا على المشركين ونصرهم الله عز وجل فغنم المسلمون أموالهم وذراريهم ونساءهم وسبوهم. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فنصر الله المسلمين في النهاية وإن كان حصل عليهم شدة في أول القتال ولكن في النهاية صارت لهم ثم إن هوازن أسلموا وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان قد وزع المغانم فطلب من الصحابة رضوان الله عليهم من طابت نفسه أن يردهم فطابت أنفسهم كلهم وردوا ما عندهم على هوازن سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله سبحان الله. Le cheikh il explique ici, il dit donc que les gens de Hawazin qui voulaient attaquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour les rencontrer et pour les combattre. Et c'était dans le mois de Shawwal, après le Ramadan. Et il est sorti avec une immense armée. Parce que maintenant, l'armée était composée non seulement des gens qui étaient venus avec lui de Médine, mais en plus, les gens qui s'étaient convertis à Mecca. Donc, l'armée était immense. Et comme Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans Surat At-Tawbah, le verset 25, il dit, et le jour de Hunayn, lorsque vous avez été ébloui vous-même par votre grand nombre, votre quantité, mais cela ne vous servit à rien. Hein? Cela ne vous servit à rien. C'est-à-dire, votre quantité, votre nombre ne vous a servi à rien au début. Hein? Parce que Hawazin, c'était yani, caché dans les montagnes. C'était abrité dans les montagnes. Ils ont utilisé les montagnes comme une forteresse. Et ils se sont cachés dans les plis de la vallée. Alors, quand les musulmans sont entrés dans la vallée, et qu'ils étaient en fait entourés de l'ennemi, ils ne réalisaient pas, eh bien, les ennemis sont tombés sur eux d'un seul coup. Hein? Ils les ont attaqués d'un seul coup. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Yani, les musulmans ont été pris de, hein, de surprise. Ils ont été pris par surprise. Et donc, ils ont commencé à courir dans tous les sens et à fuir. Hein? Et donc, ils ont été frappés par les mouchriquines au début. Puis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à les rappeler. Hein? Ya muslimoun, hein? Irji'ou, hein? Revenez. Alors là, ils ont commencé à tous se rassembler et retourner vers le messager d'Allah. Et ils ont commencé à repousser les mouchriquins. Et Allah azzawajal a donné la victoire aux musulmans sur les mouchriquins. Et les musulmans ont pris le butin. Ils ont pris les biens des mouchriquins, parce que les mouchriquins, souvent, qu'est-ce qu'ils font quand ils partent au combat? Ils amènent toutes leurs richesses avec eux. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être mourir, alors ils amènent avec eux leur or, leurs biens, leurs enfants, leurs femmes même, pour assister au combat, pour que ça les encourage. Hein? Parce qu'ils vont dire à nos femmes, elles nous regardent, il faut pas perdre. Alors, qu'est-ce qui arrive à la fin de la bataille? Eh bien, celui qui a perdu, hein, eh bien, le gagnant va prendre ses femmes, ses enfants comme butin aussi, et ainsi que les biens qu'il laisse. Donc c'est ça qui est arrivé ce jour-là. Les musulmans ont pris les enfants et les femmes comme prisonnières, prisonniers et comme esclaves. Et comme Allah Azzawajal, il décrit la situation, comment ça s'est passé dans le verset 25 et 26 dans sourate At-Tawbah, il dit: et le jour de Hunayn, lorsque votre quantité vous a ébloui et que cela ne vous a servi à rien, et que la terre est devenue étroite, malgré qu'elle est vaste. Puis vous vous êtes enfui en tournant le dos. Hein? Et puis ensuite, Allah Azzawajal a fait descendre sa tranquillité sur son messager et sur les croyants, et il a fait descendre des armées que vous ne voyez pas, et il a châtié ceux qui ont mécru, et voilà la rétribution des mécréants. Donc Allah Azzawajal a donné à la fin la victoire, hein, aux musulmans, malgré ce qui leur est arrivé au début de la bataille. Mais à la fin, c'est eux qui ont eu le dessus, alhamdoulillah. Et puis la tribu de Hawazin s'est finalement convertie à l'islam. Alors ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de leur rendre leurs biens et leurs femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà distribué aux combattants les butins. Certains, ils avaient déjà pris les femmes et les enfants et l'argent déjà. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé: celui d'entre vous qui désire rendre le butin qu'il a reçu à la tribu de Hawazin, qui s'est maintenant convertie à l'islam, alors ils peuvent le faire. Eh bien, ils ont tous rendu leur butin. Subhanallah. Donc, vous voyez comment les sahabas, leur cœur était grand. Comment leur miséricorde était grande aussi. Hein? Ils n'étaient pas des conquérants cruels et impitoyables, hein, qui étaient là juste pour la dunya et pour les femmes. Non. Ils étaient là pour la guidance, et ils voulaient la guidance, ils voulaient le bien pour ceux qu'ils combattaient. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont accepté de rendre ce qu'ils avaient reçu à la suite de cette bataille. Et il dit: wa hadhihi ghazwatu Hunayn fi hadha al-wadi wa hiya natija wa hadhihi natijatuha nasr lil-islam wal-muslimin والذلة للكفار وفي النهاية تاب الله على من تاب منهم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم وقوله. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh, il explique ensuite que cette bataille de Hunayn, donc dans cette vallée On a vu maintenant comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé et quel a été le résultat. Et la victoire a été pour l'islam et pour les musulmans, et la faiblesse et l'humiliation a été pour les mécréants. Et à la fin, Allah Azzawajal a accepté la repentance de ceux d'entre eux qui se sont repentis et qui se sont convertis à l'islam. Et il mentionne cela dans le verset 28, 27, dans Sourate At-Tawbah, à la suite de ça. Il dit, puis Allah est revenu et est revenu vers celui d'entre eux qui se sont repentis. Il dit, il est revenu vers celui d'entre eux qu'il a voulu. C'est-à-dire, il a accepté la repentance de ceux d'entre eux qui il a voulu. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est à propos de cet événement-là. Il dit ensuite, وَقَوْلُهُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ وتقديم للعذر مما وقع منهم أن السبب الذي سبب لهم الوقوع في هذا الخطأ هو أنهم حدثاء عهد بكفر فهذا فيه دليل على ذم الجهل وأن الجهل يوقع صاحبه في الخطأ ولا سيما الجهل بالتوحيد فإن الجهل بالتوحيد يوقع صاحبه في الشرك والعياذ بالله ففيه دليل على وجوب تعلم العقيدة بتفاصيلها وفيه مدح العلم وذم الجهل لا سيما في العقيدة لأن بعض الناس الآن هانت عليهم العقيدة في زماننا هذا خصوصا من بعض الدعاة فلا يهتمون بها ويقولون الناس موحدون وكل الناس يعرفون التوحيد ولا حاجة إلى هذه العناية التامة وهذا من جهلهم فما وقع هؤلاء القوم فيما وقعوا فيه من هذا الخطأ العظيم إلا بسبب الجهل. Donc ici le cheikh il dit, quand il dit, quand Abu Waqid al-Layth, il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous venions de quitter la mécréance. Il dit, le sahabi, il mentionne ça comme présentation, comme excuse pour expliquer ce qui s'est passé de leur part, ce qui est arrivé de leur part, quand ils ont dit cette parole. Parce que la cause de ce qui les a fait tomber dans cette erreur-là, c'est parce qu'ils sont nouveaux dans l'islam, ils viennent de quitter la mécréance, ils ne connaissent pas encore bien l'islam. Et donc il y a ici la preuve du blâme qu'il y a dans le fait d'être ignorant et dans l'ignorance. Et que l'ignorance peut faire tomber celui qui la possède dans des graves erreurs, en particulier s'il est ignorant du tawhid. Parce que le fait d'ignorer le tawhid peut faire tomber quelqu'un dans le shirk, wal'iyadhu billah. Et il y a donc ici la preuve de l'obligation d'apprendre la aqidah en détail. Et il y a la glorification de la science et le blâme de l'ignorance, en particulier dans la aqidah et dans les questions de aqidah, de la conviction et de la croyance. Parce qu'il y a certaines personnes à notre époque qui dénigrent ou qui négligent, ils ne donnent pas d'importance, ils diminuent l'importance de l'aqidah à notre époque, en particulier parmi certains qui se prétendent prêcheurs ou qui prétendent faire la da'wah. Ils parlent de toutes sortes de beaux sujets qui font partie de l'islam, il n'y a pas de doute, et que ce sont des choses importantes en islam, oui, effectivement. Mais l'aqidah, c'est le fondement, c'est le cœur. C'est le cœur de la religion. Donc, même si ton corps est le plus fort de tous les corps, tu as des muscles très forts dans tes bras, dans tes jambes, dans ton... tout le reste, même ton cerveau, peut-être qu'il fonctionne bien. Mais si ton cœur, il n'est pas bon, le reste, il va servir à rien. Et le tawhid et l'aqida, c'est le cœur de l'islam, c'est la base de l'islam, c'est le fondement central de l'islam. S'il n'y a pas de tawhid, s'il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas d'islam. Peu importe, tu peux prier 5 fois par jour, même 100 fois par jour. Tu peux faire la zakat, hein? Tu peux faire le hajj à chaque année. Tu peux faire yani, le ramadan chaque année. Si tu n'as pas compris la signification de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah comme il faut, et que tu ne comprends pas ce qui s'y oppose, et que tu ne le mets pas en pratique, tu ne mets pas le tawhid en pratique, et tu ne t'écartes pas du shirk et de toutes ces manifestations, eh bien tout le reste de tes piliers ne vaut rien et ne sert à rien du tout. Hein? Tes aumônes, ta charité, ton bon comportement, hein, tout le reste, ton khuluq, yani, tout ça va rien servir pour toi au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que ta aqida, elle est zéro. Et si ta aqida est zéro, tout le reste est zéro. Beaucoup de musulmans, et même parmi certains, parmi les gens qui disent qu'ils sont dans la da'wa ou qui prétendent faire la da'wa ou qui prétendent être des prêcheurs à l'islam, ils n'ont pas compris ça. Allahul Musta'an. Donc ils ne donnent pas d'importance au tawhid et ils disent aux gens, non, les gens ils connaissent le tawhid déjà, pas besoin de leur parler de tawhid. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que de croire au tawhid, ça veut dire Dieu est unique, il y a un seul Dieu. Ça c'est suffisant. Ça veut dire que tu es sur le tawhid. Pourtant, après, ils vont adorer des tombes, prier à des morts, lire l'horoscope, faire du sihr, hein? Yani, juger par autre que la loi d'Allah, faire plein d'exemples de shirk et de kufr, chercher la baraka des tombes et des morts, croire que les awliya connaissent le ghaib. Tous des exemples de kufr et de shirk, eux, ils savent même pas que ça, c'est contraire à l'islam. Et ils vont prier les tombes et les morts, après ça, ils disent, oui, on est des musulmans, on a compris qu'il y a un seul Dieu. Hein? Mais si vous aviez compris réellement qu'il y a un seul Dieu, comment vous pouvez faire toutes ces formes de shirk et de kufr qui viennent en opposition avec votre témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah? Donc ça c'est la preuve que c'est faux de dire que les gens aujourd'hui ils comprennent le tawhid comme il faut et qu'ils ont tous compris ou qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de ce sujet-là. Et le cheikh il dit ça fait en fait partie de leur ignorance. Hein, parce que yani, il n'y a pas, hein, il dit les gens ils peuvent pas tomber dans une erreur plus grave, ou bien ils ne sont pas tombés dans une erreur aussi grave, excepté que c'est à cause de leur ignorance. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, donc, il continue l'explication du hadith, il dit فَقَوْلُهُ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ فِيهِ حَثٌ عَلَى تَعَلُّمِ الْعَقِيدَةِ وَالتَّبَصُّرِ فِيهَا وفيه الرد على من يهون من هذا في هذا الزمان من شأن العقيدة وتعلمها ويلوم إذا فرغوا كتب التوحيد واعتنوا بها ودعوا إليها يلومون يلومهم فيقول أنتم تكفرون المسلمين وتسيئون الظن بالمسلمين ونحن نقول لا نحن لا نكفر المسلمين ولا نسيء الظن بالمسلمين نحن نعلمهم لئلا يقعوا في الشرك وهذا من النصيحة للمسلمين. Donc le cheikh il dit que yani, quand le sahabi Abu Waqid al-Layfi dit nous étions hein, nous venions de quitter la mécréance hein, ça faisait pas longtemps qu'on avait quitté la mécréance, on connaissait pas encore l'islam comme il faut, on connaissait pas encore le tawhid comme il faut. Hein? C'est normal. Il y a des sahabas qui se sont convertis à la Mecque au début de la religion. Abu Bakr, Omar, hein? Radiyallahu anhuma, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Ils étaient déjà musulmans depuis 23 ans, presque. Hein? Tandis que ceux qui se sont convertis lors de la conquête de la Mecque, ils viennent de se convertir à l'islam. Ça veut dire qu'ils ont passé peut-être un mois ou même pas une semaine ou 2 semaines dans l'islam. Ils n'ont pas encore eu le temps d'étudier comme il faut, comme Abu Bakr et Omar. et Uthman et Ali radiyallahu anhum, ainsi que les autres parmi les sahaba al-sabiqoun al-awwaloun. Hein? Donc il n'y a pas de comparaison dans le niveau de science et de connaissance et d'expérience et de foi et de pratique. Hein? Et donc il dit, et ça le cheikh il dit, il y a dans ça donc une incitation à l'apprentissage de la aqidah et d'étudier cette aqida pour la comprendre correctement. Et il y a également dans ça une réfutation de ceux qui négligent et qui ne donnent pas d'importance à la question de la aqida à notre époque. Et qui ne donnent pas d'importance à l'enseignement et à l'apprentissage de la aqida et du tawhid. Et qui blâment même ceux qui l'étudient. Qui blâme ceux qui étudient le tawhid. Il y en a même qui disent, ah, vous divisez les musulmans, hein, avec le tawhid. Donc, apprenez pas le tawhid aux musulmans, parce que vous allez diviser les musulmans avec le tawhid. Apprenez-leur quoi, alors? On va leur apprendre quoi pour les unir? Hein? Le shirk, la bid'a, c'est ça qui les unit? C'est-à-dire, quand tu dis à tout le monde, croyant, qu'est-ce que vous voulez, faites, qu'est-ce que vous voulez, ça unit les gens ou bien ça les divise? C'est comme si leur cerveau, il est installé à l'envers. Hein? Qu'est-ce qui unit? Ils voient que ça divise. Et qu'est-ce qui divise? Ils voient que ça unit. Nasallallahu al-afiyah. Hein? Nasallallahu al-salama. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils disent, hein, quand on enseigne le tawhid, quand on appelle au tawhid, quand on enseigne kitab al-tawhid ou des livres sur l'aqidah, laissez les gens, ils disent, vous faites le takfir des musulmans quand vous enseignez le tawhid. Hein, parce qu'on explique aux musulmans qu'est-ce qui est le tawhid, qu'est-ce qui est le shirk, eux ils disent, ça c'est du takfir. A'oudhu billah. Il dit, vous pensez du mal des musulmans. Hein, le cheikh il dit, non. On ne fait pas le takfir des musulmans. Et on ne pense pas du mal des musulmans. Au contraire, on leur enseigne, hein, on fait leur éducation pour pas qu'ils tombent dans le shirk, justement. Et ça fait partie de la nasiha, du bon conseil et de la sincérité envers les musulmans. De ne pas les laisser tomber dans l'erreur, de ne pas les laisser tomber dans l'ignorance pour qu'ils sortent de la foi ou qu'ils tombent dans le shirk ou dans le kufr à cause de leur ignorance du tawhid. Donc vous voyez comment les gens ils voient les choses à l'envers. Comment les gens ils jugent d'une manière superficielle les choses. Et pourquoi ils tombent dans ces erreurs-là par la suite. Et le cheikh il dit, wa qawluhu lil mushrikina sidra. يعني شجرة يعكفون عندها يعني يقومون عندها للتبرك ينوطون بها أسلحتهم النوط ويعني هو التعليق يعلقون أسلحتهم بها للتبرك يعني فهم يقيمون عندها للتبرك ويعلقون أيضا أسلحتهم وحاجتهم بها من أجل التبرك بهذه السدرة. Donc ici le cheikh il explique que les mushrikoun, hein, ils avaient un arbre qu'ils prenaient et ils se tenaient devant pour avoir la bénédiction de l'arbre. Hein, et ils accrochaient leurs armes sur cet arbre aussi pour que ces arbres, les armes et les épées deviennent bénies. Hein. Ils mettaient leurs arcs, leurs flèches, leurs épées, hein, leurs boucliers, toutes leurs armes, les affaires qu'ils avaient pour se battre, pour la guerre, ils accrochent ça à l'arbre. Et ils s'imaginent que l'arbre va rendre leurs épées et leurs armes plus forts. Allahu al-musta'an. Ça, c'est le shirk. Hein? Comme si l'arbre elle avait un pouvoir. Qui a donné un pouvoir à cet arbre? C'est Allah qui l'a créé. Hein? Est-ce qu'il a créé les arbres pour donner du pouvoir aux armes ou aux choses de ce genre? Hein? Donc ça fait partie des fausses croyances, des superstitions et des égarements des mouchriquines. Il y a plein de gens qui ont des croyances comme ça jusqu'à aujourd'hui, Allah al-musta'an. Si tu vois, par exemple, parmi les gens qui suivent des mouvements un peu hippies, new age, hein, des mouvements spirituels, mystiques, ou bien, par exemple, des trucs qui se penchent vers le bouddhisme ou l'hindouisme. Ils ont plein de superstitions comme ça. Même chez les chrétiens. Bon, les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, tu les vois. Ils se disent chrétiens, mais quand tu lui demandes sa aqida ou sa croyance, il te ramène des croyances, des bouddhistes, des hindous, des Krishna, des New Age. Il mélange tout. Hein? Il mélange tout. Puis après, il dit, c'est ça ma croyance. Et quand il prie à son grand-père ou son arrière-grand-père ou sa grand-mère. Et puis tu lui dis, mais pourquoi tu dis pas que tu es chrétien? Comment ça tu pries à tes ancêtres? Ça, c'est les pratiques des animistes et des autres mushrikines. Il dit, ouais, mais ça, c'est comme. C'est comme parce qu'il s'est fait sa propre petite religion dans sa tête, sans tenir compte nécessairement du dogme de l'Église catholique, ou bien comme on dit, le catéchisme, là. Il ne connaît pas, là, si tu lui demandes le catéchisme, il ne connaît pas. Hein? Parce que c'est ça, les chrétiens, leur aqida, ils la connaissent pas, et de toute façon, elle est basée sur le shirk. Donc, c'est remplacer un shirk par un autre shirk. Et les deux, c'est de l'égarement, de toute façon. Donc le cheikh il explique, il dit hein, ici, il y en a que nous on fait ça pour le nasiha pour les musulmans. Et donc les mushrikines, eux ils accrochent les épées, les flèches, les arcs sur cet arbre. Hein, et ils se tiennent devant l'arbre, pensant que l'arbre a des émanations hein, de baraka. De bénédiction qui coule dans sa sève, ou dans ses branches, ou dans ses feuilles, ou dans ses arbres, hein, dans ses racines. Allah al-Musta'an. Alors, le cheikh, il explique ensuite, il dit, فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ قالوا هذا بسبب الجهل يعني طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها يعلقون بها أسلحتهم تقليدا للكفار فهذا فيه تحريم التشبه بالكفار وأن التشبه بهم خطير ولا يقتصر على التشبه بالعادات وإنما يترقى إلى التشبه بهم في الشرك كما يدل عليه هذا الحديث وكما حصل من البناء على القبور فالبناء على القبور وقع في الإسلام بعد القرون المفضلة تشبها باليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يبنون على قبور أنبيائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله حذرنا صلى الله عليه وسلم من تقليد المشركين لا سيما في أمور الدين وأمور العقيدة المشركون الآن يعظمون الآثار ويجعلون لها أبهى ويجعلون لها زيارات يعني قلدهم بعض المسلمين وصاروا الآن يعتنون بالآثار ويعظمونها وينفقون فيها والتوحيد موجودنا الآن لكن قد يجيء وقت يقل العلماء وتضعف العقيدة ثم يفعلون مثل ما فعل الكفار فيعبدون هذه الآثار كما فعل الكفار الأمر لا يتساهل فيه أبدا وفيه أيضا أن الدين لا يؤخذ من العادات أو من الإشكالات لأنهم استحسنوا هذا لكن لم يقدموا عليه حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أدبهم ومعرفتهم بأن الدين إنما يؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا يعني طلبوا منه ذلك لأنه إذا جعل لهم فقد أقرهم على ذلك وشرعه لهم فهم لم يذهبوا لكي يختاروا شجرة يعلقون عليها بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب أن المسلمين أو ولاة الأمر ولاة أمر المسلمين إذا أشكل عليهم شيء ورأوا أنه شيء يستحسن أنهم لا يقدمون عليه حتى يسألوا أهل العلم ويرجعوا إلى أهله، فإن كان ذلك جائزا في الشريعة أجازوه، وإن كان حراما منعوه. هذا هو الواجب. وهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، أننا لا نعتمد على استحساناتنا ونقول نيتنا طيبة ونضع الأشياء بدون أن نرجع إلى الدين وإلى الشرع وإلى العلماء، وهذا هو عين الهلاك. لأن الناس إذا عملوا ما يريدون ولم يرجعوا إلى أهل العلم هذه مصيبة، أو يصفون أهل العلم بأنهم لا يفهمون، أو أنهم يعني يعوقون التقدم والحضارة فيهونون من شأن العلماء وآرائهم، وهنا تحدث المصيبة بالأمة. لأن أمور الدين لا يصلح بها إلا الرجوع إلى الشرع وأهل العلم وحملة الشريعة، وهذا هو الواجب. Donc ça c'est un long passage mais très important et très bénéfique. Donc on va lire jusqu'ici puis après on va s'arrêter inshallah. Le cheikh il explique ici, il dit donc que Abu Waqid al-Layth il dit radiyallahu anhu, nous sommes passés donc auprès d'un arbre et on a dit ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre pour qu'on puisse accrocher nos armes nous aussi comme les mouchriquins ils font. Ils ont dit ça par ignorance. Et ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner cet arbre pour qu'ils puissent chercher la bénédiction de cet arbre, pour qu'ils puissent accrocher leurs armes sur cet arbre de la même manière que les mouchriquins, ils accrochent leurs armes sur cet arbre, sur un arbre. Et ça, il y a dans ça un argument pour établir une preuve contre le fait d'imiter les koufars. Et ça confirme l'interdiction d'imiter les koufars dans la religion et dans les choses de la dunya aussi. C'est-à-dire d'éviter d'imiter les koufars et de leur ressembler. Parce que eux, ils voulaient faire ça justement par imitation des mouchriquins et des koufars. Et que c'est la preuve également que c'est quelque chose de très dangereux de vouloir ressembler aux mouchriquins et aux koufars, aux juifs et aux chrétiens, et à tous ceux qui opposent la religion de l'islam. Et il dit le cheikh que ça c'est pas seulement limité à vouloir leur ressembler dans les questions qui sont reliées aux coutumes et aux traditions, mais quand ça commence par les traditions et les coutumes, eh bien ça évolue par la suite jusqu'à amener les gens à vouloir leur ressembler même dans ce qui est shirk, dans ce qui est kufr. Et donc ça c'est une des choses qui sont établies par ce hadith là, comme cela est arrivé justement avec le fait de bâtir des choses sur les tombes, des monuments, des mausolées, des oratoires, des lieux de culte qui sont construits sur la tombe des hommes pieux et des saints et des morts et donc ces choses là ont été introduites parmi les musulmans après les trois meilleurs siècles de l'islam, en voulant chercher à ressembler justement aux juifs et aux chrétiens. Et les juifs et les chrétiens, c'est eux à la base qui avaient cette pratique de construire des lieux de culte ou des mausolées ou des dômes sur les tombes de leurs hommes pieux et de leurs saints. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement mis en garde la Ummah contre le fait de faire ce genre de choses. Et il a mentionné dans des hadiths comme celui qui est rapporté par Al-Bukhari et d'autres également, qui dit ceux-là, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, lorsque un homme pieux meurt parmi eux, ils vont construire sur sa tombe une mosquée ou bien un temple ou bien une église ou bien une mausolée ou un lieu de culte ou un dôme ou un oratoire ou peu importe. Et ils vont dessiner à l'intérieur ou faire à l'intérieur ce genre de statue, ce genre d'image, ce genre de dessin. Et il dit, ces gens-là sont les pires créatures pour Allah. Ces gens-là sont les pires créatures pour Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre le fait de vouloir suivre et imiter les mushrikines, en particulier dans les questions de la religion et les questions de la aqidah. Et les mushrikoun, actuellement, ils vénèrent les, comme on dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils vénèrent les reliques et les vestiges archéologiques qui restent des civilisations passées, et des restants de statues ou d'idoles ou de tombes que les mushrikines dans le passé avaient construit. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils rénovent ces choses-là, et ils vont faire des lieux de visite pour faire du tourisme et pour faire payer les gens en les faisant visiter ces lieux-là. Et le cheikh, il dit que beaucoup de musulmans, maintenant, ils les ont suivis dans ce genre de choses. Et yani, même avec les associations internationales qui yani, encouragent les musulmans à justement préserver ces choses-là, au nom du patrimoine de l'humanité ou je ne sais pas d'autres choses de ce genre, alors que c'est des sites de shirk et des affaires de kofr. Et donc ils font de ces choses-là, yani, des reliques. Qu'il faut vénérer et qu'ils dépensent de l'argent pour s'en occuper et pour les rénover et pour les préserver. On voit l'exemple, par exemple, en Égypte avec les pyramides, et en Irak avec les anciennes civilisations des Babyloniens, ou bien en Grèce, avec les vestiges de l'Empire grec, de l'Antiquité. Ou bien les Romains, ou bien y a les sites romains qui existent encore dans le nord du Maghreb, ou bien en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, les anciens trucs que les mushrikines de l'époque avaient fabriqué des statues, des toutes sortes de bêtises comme ça. Eux, ils prennent ça, puis même des lieux où il y a des tombes qui sont construites, il y a des mausolées ou des mosquées construites sur des tombes. Eux, ils veulent faire de ces endroits-là des endroits à protéger parce que, soi-disant, c'est le patrimoine ou je ne sais pas quoi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ces gens-là qui font ça. Comme dans le hadith, La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs hommes pieux et de leurs prophètes comme des lieux de culte. Allah al-Musta'an. Donc ça, tout ça c'est détestable et interdit en islam et condamné par l'islam. Malgré ça, beaucoup de musulmans, parce qu'ils veulent absolument imiter les koufars, tu les vois comme ça. Et non seulement dans ces choses-là, même dans la façon de gérer les pays, l'administration et toutes ces choses. Tu vois, beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, okay, qui sont, par exemple, indépendants. Ils disent, on a pris notre indépendance, maintenant on est indépendant des colonisateurs. Mais quand tu regardes leur système administratif et toute la façon comment fonctionne leur administration sur le plan, yani, comment je pourrais dire, comme si les affaires, les papiers, puis les choses... Oui, la bureaucratie. Tout ça, c'est basé sur le même exemple que leur pays colonisateur. Tu vois? Si c'était l'Angleterre qui les avait colonisés, ils suivent le système anglais. Si c'était des Français, ils suivent le système français. Si c'était des Belges, c'est le système belge. Et ainsi de suite. Si c'est des Hollandais, c'est le système hollandais. Si c'était des Portugais, c'est le système portugais. Et ça continue comme ça. Ils n'essayent pas de dire, bon, nous, on est musulmans, on doit essayer d'inventer quelque chose qui se réfère à notre religion, puis en même temps qui va être supérieur et plus efficace que ces systèmes-là. Mais il y en a certaines personnes, ils ont peur de ça, dans le sens que ils ont peur d'innover. Quand je dis innover, c'est pas d'innover dans la religion, mais c'est d'innover dans le sens que d'innover par rapport à ces systèmes que les Juifs et les chrétiens ont inventé et de faire leur propre chose qui est en accord avec l'islam et qui va suivre les règles de l'islam. Parce que ça demande un peu comment on dit, d'autonomie, hein, d'autonomie et puis d'indépendance intellectuelle aussi. Et aussi, ça demande du courage et comment je pourrais dire, de la créativité et de l'innovation dans ce sens-là. Dans les choses de la dunya, c'est permis, les innovations. Les innovations qui sont interdites, c'est les innovations religieuses. Hein? Ça, il ne faut pas oublier. À la kulli hal, tout ça, je dis pourquoi? Pour que yani, les musulmans, pour qu'on puisse avancer, hein? Pour qu'on puisse se libérer des influences négatives qui nous attache encore jusqu'à aujourd'hui, nasallallahu alayhi wa sallam. Et surtout aussi dans les questions qui ont rapport avec la croyance et qui ont rapport avec la religion. Donc, le cheikh, bon, on va résumer ici qu'est-ce qu'il explique. Il dit que c'est important d'enseigner ça aux musulmans et d'expliquer ça aux musulmans aujourd'hui, parce qu'il va y arriver une époque où il n'y aura plus de ulama, où il y en aura moins. Et il y aura des époques aussi où la aqida va être encore plus faible que qu'est-ce qu'elle est maintenant. Puis, les gens vont commencer à faire ces choses-là, hein, et ils vont commencer à les adorer, comme les kuffars, ils le font. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et aussi, il y a une chose qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est qu'on ne doit pas prendre notre religion des coutumes ou des formes de qu'est-ce que les gens pensent être bien ou qu'est-ce qu'ils considèrent être bon, jusqu'à ce qu'ils aient vérifié que c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et on voit de l'exemple justement de ces nouveaux musulmans qui venaient de se convertir, qu'ils n'ont pas pris l'initiative de le faire d'eux-mêmes. C'est-à-dire d'aller prendre un arbre puis de mettre leurs armes dessus. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas pris cette initiative dans la bid'a, non. Ils ont commencé par demander au messager d'Allah, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Hein? Et le cheikh, il dit, hein, que ça fait partie de leur bon comportement. Et d'une certaine manière, ils connaissent quand même ce principe-là de leur religion, qui est que la religion, elle doit être prise du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé au messager de leur désigner un arbre. Et ils lui ont demandé à lui, parce qu'ils savent que si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, approuve de leur part, que ça va être légiféré par la suite et que ça va faire partie de la religion. Hein? Donc, ils savent que c'est lui qui a le droit de permettre cela seulement ou de légiférer dans ces choses-là. Hein? Donc, ils ne sont pas partis pour aller le faire d'eux-mêmes et choisir un arbre pour mettre leurs épées dessus ou leurs arcs. Non. Ils sont retournés au messager d'Allah. Et c'est ça qui est obligatoire. Il dit, et les musulmans, hein, et les dirigeants musulmans, lorsqu'ils ont quelque chose qui est difficile à comprendre ou qui leur cause du trouble ou qui est compliqué, et qu'ils voient, hein, ils voient quelque chose qu'ils pensent être bon ou qu'ils considèrent comme étant quelque chose de bien, hein, mais ils ne sont pas certains ou ils ne savent pas, ils doivent, avant de le faire, demander aux savants de l'islam et revenir aux savants de l'islam pour leur demander, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est en accord avec la charia? Et si c'est en accord avec la charia, dans ce cas-là, ils vont le permettre. Ils doivent le permettre et le faire. Mais si c'est en contradiction et que c'est haram, alors ils doivent l'interdire. Ça, c'est l'obligation. Et donc, il y a dans ce hadith-là un grand point bénéfique à comprendre. C'est qu'on ne doit pas se baser sur ce que nous, on a comme jugement pour déterminer ce qui est bon ou pas bon, bien ou pas bien. Et de dire notre intention elle est bonne, c'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Il faut que l'action aussi soit en accord avec la charia, en accord avec la sunna. Hein? Et donc on ne peut pas prendre des choses sans revenir à la religion, sans revenir à la charia, comme le font beaucoup d'ignorants aujourd'hui à notre époque. Parmi les musulmans qui ont eu une éducation occidentale et qui ont fait des études occidentales et qui vivent en Occident ou bien qui vivent ailleurs et qui voient des choses qu'ils pensent être bonnes chez les koufars, puis qui disent, nous, on doit ramener ça aussi chez nous, dans nos pays musulmans. Et faire comme les koufars, qu'est-ce qu'ils font, eux? Parce que eux, ça, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être que toi, tu le vois comme étant bon, mais tu ne réalises pas le mal qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama de l'islam, pour que eux, ils te disent si, effectivement, c'est en accord avec la charia ou non. Mais ça, personne ne peut le faire sans science. Quelqu'un ne peut pas faire ça sans science. C'est comme, à l'époque, je me rappelle, dans certaines de ses conférences, Tariq Ramadan, il disait aux musulmans, on prend ce qui est bon de l'Occident, puis ce qui n'est pas bon, on le laisse. J'ai dit oui, peut-être, mais qui a la capacité de pouvoir faire ça? Qui a la capacité de pouvoir juger et d'analyser qu'est-ce qu'il y a en Occident, de savoir ce qui est en accord avec la charia ou en contradiction? C'est les ulama qui peuvent faire ça, pas les individus qui sont musulmans mais qui n'ont pas étudié la charia. Comment eux, ils vont être capables de juger dans ces questions-là? Et lui, c'est ce qui est triste, c'est qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas étudié la charia et qui ne connaissent pas les fondements de la charia, et il leur dit, jugez, prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer par la suite? Ils vont prendre tout ce qu'ils veulent. Hein? Ils vont dire, ah, c'est bon, alors on le prend. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans la charia de l'islam. Donc ça, c'est un point très, très important que le cheikh il clarifie ici. Hein? Et donc, on ne se base pas juste sur qu'est-ce qu'on juge nous et qu'est-ce qu'on considère comme étant bon. Sans retourner à la religion, sans retourner à la charia, sans retourner au ulama. Et il dit, sinon, si on prend sans se référer à la religion, ça veut dire on s'en va vers la perte, vers la perdition. Hein? Parce que les gens vont faire ce qu'ils veulent. Hein? Ils ne vont pas retourner au ulama, et ça c'est un grand malheur. Ou bien ils vont dire, et ça c'est ce qui arrive aussi de la part de ces gens-là, de ces ikhwan et des gens de cette tendance, c'est que quand les ulama ne vont pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, ils vont dire, ah, ces ulama-là, ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas la réalité, comment le monde fonctionne aujourd'hui. Hein? Nous, on connaît mieux. Hein? Les ulama, ils sont déconnectés. Ils vivent dans leurs livres. Hein? Ils vivent dans les siècles passés, dans leur tête. Ils ne comprennent pas le monde actuel, comment ça fonctionne. Nous, on comprend le monde actuel. Hein? Nous, on comprend qu'est-ce qui se passe. On a étudié, on a un diplôme des universités. Oxford et Cambridge et Harvard. Hein, on a des doctorats, on comprend mieux que les ulama de l'islam. A'ouzoubillah. Sauf que dans la charia, t'es zéro. Tu connais rien du tout. Hein? Puis tu veux te mettre comme si c'est toi le mufti de la dunya. Allah al-musta'an. Et donc ça, c'est ça l'exemple. Hein? Ils disent, les savants, ils empêchent l'évolution et la modernisation et la civilisation. Donc il dénigre l'importance des ulama et il dénigre l'opinion des ulama et il dit c'est à ce moment-là que le malheur arrive pour cette umma. Hein? Parce que les affaires de la religion, hein, elles ne peuvent être réformées que si elles reviennent à la charia et aux hommes de science et à ceux qui portent la charia, et c'est ça l'obligation. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.